s'agit de Daniel Théo, le rêve des anges. Alors Daniel, le rêve des anges, ça correspond à quoi ça? Bien, c'est-à-dire que moi, je suis... Bon, il n'y a pas que moi. Hein. Les artistes, en général, nous sommes des rêveurs. Et lors de voyages à Venise, je me laissais aller à rêver. Rêver tout simplement. J'étais sur l'eau, j'étais bien. Et toi, puis, tu étais à Venise? C'est pas ton coin, ça, pourtant, Venise. Ben oui, mais moi, je suis un voyageur. C'est très bien. J'étais dans le bateau. Je fermais les yeux et je rêvais. J'avais l'impression d'être sur les nuages, entouré d'anges. Voilà. Et c'est comme ça qu'est parti. Tout à fait. Tout simplement la musique. Donc Daniel Théo, eh bien donc on va refaire un petit parcours avec toi. Moi, ça fait des années qu'on se connaît. Daniel Théo, alors donc tu chantes, tu fais quelques reprises avec ton groupe Les Sept Îles, mais essentiellement la composition. Mon groupe, le groupe Sept Îles, nous avons en fait deux directions. Lorsque nous faisons des fêtes familiales, je joue aussi pour les maisons de retraite, les EHPAD, Nous faisons des reprises, la compagnie créole, Cassav, tout ça. Et lorsque c'est en concert, ce sont mes chansons. Des chansons. Des chansons composées et écrites par moi. Voilà. D'accord. Revenons sur ton parcours, Daniel. Tu as commencé il n'y a pas très longtemps, tout jeune, petit, hein, à peine à l'âge de 6-7 ans. Oh, dans ton île? Non, quand même. Écoute, j'ai fait ma première scène, j'avais 15 ans. D'accord. Ça date en 61. Donc, et puis voilà, de 61, j'ai continué, j'ai fait une salle qui s'appelle toujours le Ciné-Théâtre. Et en 65, j'ai fait la première partie de Sylvie Vartan à l'Olympia. Voilà. D'accord. Après, le service militaire est passé par là. Donc, j'ai dû m'arrêter quelques années. Et lorsque j'ai été libéré, ici en métropole, je me suis dit, bon, maintenant que je suis loin de la Martinique, je vais représenter les Antilles. D'accord. Donc, j'ai laissé le rock parce que j'étais le représentant de Johnny aux Antilles. J'écumais les salles de spectacle et c'est moi qui ai fait connaître le pénitencier en Martinique. Voilà. Ça donnerait quoi le pénitencier en créole de chez toi? Ah non, mais je le chantais comme Johnny. Comme Johnny, hein. Ah d'accord. Comme Johnny, hein. Oh, oui, comme Johnny, parce que j'avais la chance d'avoir une amie ici. Elle aussi, elle était mineure, mais elle était fan de Johnny. Elle suivait Johnny partout. Et donc, elle m'envoyait aussitôt qu'il y avait un album, même un enregistrement, parce qu'elle allait en coulisses dans les concerts. Ouais. Elle enregistrait sur sa petite cassette. Ouais. Et elle me l'envoyait. D'accord. Donc, j'étais en pointe, on va dire ça comme ça. Parce que n'oublie pas que dans les années 60, c'était encore le bateau, il n'y avait pas l'avion. Donc, voilà. Donc si je demande à la maison, à madame, je suis sûr qu'on trouve ces enregistrements-là qui traînent alors. Ah oui, tout à fait. C'est toujours possible de retrouver Daniel Théo en chantant Johnny à l'époque alors. Ah oui, tout à fait. Alors justement, souvenir Daniel, après plusieurs livres que tu as sortis, là t'en es à ton deuxième livre. Non, troisième. Troisième. Troisième livre. Le troisième livre, donc tu es aussi auteur-compositeur et tu écris des livres. Je suis écrivain, j'écris aussi des poèmes, j'ai un recueil de poèmes qui doit sortir cette année. D'accord. Et des dizaines d'albums? Non, ça c'est mon huitième album. Alors Daniel, l'essentiel, donc c'est le dernier opus, 12 titres que tu as enregistrés au studio Bordeaux, je crois. Toulouse. Toulouse, c'est un petit peu plus ensoleillé alors. Et donc tu as enregistré ça là-bas avec tes musiciens, avec... Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et c'est facile pour toi de réussir à mettre des paroles sur la musique quand on est auteur-compositeur? Eh bien, moi, je travaille de façon. C'est ou bien je fais la musique d'abord, le texte après, ou alors l'inverse. D'accord. Je n'ai aucune difficulté dans ce sens. D'accord. Et là, sur les morceaux de l'album, tout de suite, c'est venu aussitôt. T'as fait d'autres voyages que Venise? Parce que là, tu nous parlais du voyage de Venise, mais t'en as fait d'autres, des voyages Si, quand même. En Normandie? En Normandie, entre autres. En Normandie, entre autres. Hein, parce que je suis normand de cœur, puisque j'ai vécu là-bas. Oui, tu me dirais de peau, t'as pas eu le même soleil que moi. Oui, mais enfin, bon, c'est déjà ça. On ne peut pas tout avoir, hein, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai que, je suis parti, par exemple, j'étais en Israël, il y a une chanson que j'ai faite, on n'est pas là-dessus. Hein. Oui. J'ai été au Rwanda, j'étais un petit peu sur les traces de ce qui s'est passé. D'accord. Donc j'ai pu composer aussi des chansons. À mon retour, j'ai fait une exposition à Paris dans le 7e arrondissement. J'avais pris des photos, j'ai rencontré sur vivant, on va dire ça entre guillemets, voilà, des personnes qui étaient debout, mais en fait qui avaient des balles dans la tête, ouais. Entre autres. Bon. Et, mais tout ça m'inspire, tout ça m'amène à mettre des phrases sur une feuille de papier. Oui. Et arrive chez moi, 2-3 mois après, je reviens là-dessus et j'arrange, je fais des chansons ou alors j'écris des poèmes, tout simplement. D'accord. Tiens, quel est le titre que tu veux faire découvrir aux auditeurs tout de suite? Tiens, je te demande, qu'est-ce que tu aurais envie de... Il y a un aquadolbière d'où j'ai fait le clip. J'ai un clip qui tourne en ce moment. Oui. On va sur YouTube, on le voit. Ça passe sur une télé qui s'appelle OM5 TV. Hein. Voilà, enfin, un aqua de lumière. Eh bien, un aqua de lumière sur Arc-en-Ciel, c'est parti. Alors, ne change rien. Daniel Théo, aqua de lumière. Quand c'est clair, ma route, allez droit sur la pas du destin, ne plus avoir aucun doute. Mais trop sûr et certain, je veux découvrir un royaume où tremblent les étoiles, dans leur splendeur suprême, le ciel n'a créé de lumière. Me voir brûler dans un bras ardent. J'irai parler à ce dieu, ce géant, lui qui joue avec nos sentiments. Dans ce ciel gris de poussière, dans l'océan nacré de lumière. Alors on écoute derrière nous le lapin. Tu l'as trouvé le lapin depuis pour le faire cuire? Le lapin, le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Ah, bah, le lapin, ça se fait cuire hein, au bout d'un moment. Oh. Non. En fait, il faut peut-être que tu expliques. Le lapin, le lapin beau-frère, c'est une chanson qu'il a fait. Ah ben tiens, il passe. Oui. C'est une chanson que j'avais composée sur mon beau-frère, tout simplement. Ah oui, voilà. Mais l'histoire vraiment du lapin, c'est parce qu'il s'était échappé de la cage. Voilà, exactement. Hein. Oui. Mais à travers les paroles, voilà. C'est un lapin qu'il avait. Et tout le temps, sa femme aimait bien caresser le lapin. Ah donc, il fait des chansons là-dessus. Alors, qui a très bien fonctionné. Hein. Alors, je précise, c'était le lapin du beau-frère. Oui, alors, oui, c'est vrai que les chansons du côté créole antillaise sont très, très, très imagées. Hein. Voilà. Ça avait été pas mal pris, ça avait été pris du côté antillais. Et lorsque je disais, mais vraiment, c'est un lapin, c'est l'animal à quatre pattes. On ne voulait pas me croire. Personnellement, même ma proposée, l'animal à quatre pattes, oui. L'animal, je disais le lapin, oui, c'est le lapin, je parle l'animal, pas autre chose. Mais c'est évident. Je précise, parce que du côté antillais, c'est vrai qu'on fait facilement l'amalgame, hein, l'antillais, les images, la parole, et voilà. Mais d'ailleurs, il y a un clip aussi hein, que j'avais fait, j'avais été le faire tout dans le sud, oui. Et c'est sur YouTube. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme clip justement? T'as une dizaine de clips différents hein, qu'on peut retrouver sur toi, Daniel? Oui, je dois avoir quelque chose comme 18 à peu près. Hein, et on tape Daniel Théo. J'ai exagéré peut-être en disant 18. D'accord. Bon, je mais si on tape Daniel... disons 12, on va dire 12, 13, voilà. Et on tape Daniel Théo, T-H-E-A-U-L-T. Tout à fait. Et donc on trouve tous ces clips avec les musiques qui correspondent. Voilà. Tu as un petit site où on peut retrouver tout ça pour acheter? DanielTheo.com, il existe toujours? Eh bien, pour acheter, non, parce qu'avant, oui, mais la SACEM, j'ai conclu une signature avec la SACEM, qui m'ont demandé de ne pas vendre directement hein, sur D'accord. mon site. Mais bon, je peux donner l'adresse, hein, c'est www.danieltheo, en minuscule tout attaché. .com. Alors Daniel Théo, donc on rappelle, il y a 3 livres, il y a 8 albums exactement. T'as vu, je me suis pas gouré cette fois-ci. Hein. Et la prochaine date où on peut te retrouver avec l'association Fantasy d'amour d'outre-mer. Je vais comme avancer, bien qu'il y a longtemps j'ai laissé le cinéma. J'ai participé à une quinzaine de films. Entre 83 et 90, ouais. Il y a certains qui passent toujours. Quels sont les films certains films sont cultes. Alors, bien sûr, j'ai pas de rôle principal. Lesquels hein. La doublure de Luc Funès dans La Grande Vadrouille. Non, mais j'ai tourné avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte. Dans quel film j'ai commencé Ripoux, par exemple. J'ai tourné dans Emmanuel. Emmanuel qui a fait le grand succès. D'ailleurs, c'était mon premier film en 83. C'est où j'ai connu Pascal Légitimus. Oui. Puis nous sommes restés amis depuis. Bon, j'ai tourné donc jeudi avec Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, Jean-Claude Brialy. D'ailleurs, dernier film de Jean-Claude Brialy avant sa mort, hein, bien sûr, qui n'est pas sorti. J'ai tourné avec lui dans les studios d'Épinay-sur-Seine. D'accord. Voilà. Il y a Jean-Paul Belmondo. Et ça, c'est du Daniel Théo. Pur. C'est génial. Ah, Daniel. Merci. Ouais, c'est Joachim. Alors donc Daniel Théo, donc ça c'est un extrait de ton dernier album qui est sorti. Les dates, on va pouvoir te retrouver donc avec l'association Fantasy d'amour d'outre-mer. C'est l'association dont tu es le président qui est sur Paris, hein, 95. Et là donc on aura le plaisir de vous retrouver en concert pour un gros live avec le groupe Les Sept Îles ce jour-là. Oui, nous ne serons pas au complet. D'accord. Mais bon voilà, il n'y aura que 4 musiciens et 2 choristes. Donc les 4 îles alors. En fait nous serons 7 sur 7 quand même. Ah bah il y aura les 7 îles alors. Parce que pour rappeler Daniel Théo, 7 îles, c'est 7 musiciens. Oui, c'est comme ça fait. Que tu nous l'avais expliqué. Exact. Voilà. Et donc là, tu seras le 17 juin à 19h30 au centre de danse sur Paris, au Paris 18. Oui, alors au centre de danse Chrysogone. Django Aya, oui. 29 Rue des Roses, c'est le métro Max d'Aumois, dans le 18e arrondissement. D'accord. Et donc là, on aura le plaisir de te retrouver en dédicace de livres, d'albums, tout sera sur place. Ah bien, tout sera sur place, hein, tout est préparé. Et le musicien sera là. Ah bien sûr, plus que jamais. Et alors Daniel, quand est-ce que tu réorganises un petit concert par chez toi, qu'on puisse venir te voir, toi avec ton groupe, comme tu avais déjà fait l'année dernière? Eh bien, écoute, j'ai un projet après ce concert. Alors, je ne sais pas encore si c'est en fin d'année ou en début de l'année prochaine. Je vais organiser un autre concert, toujours à Paris. Hein. Cette fois-ci, dans le 19e. Oui. C'est une salle qui contient 150 personnes assises. D'accord. Ah, donc, je suis en pourparole en ce moment avec le gérant de la salle. Et en principe, ça devrait se faire, c'est d'être bien engagé. D'accord. Ah bah, faudra que tu nous rappelles pour nous le dire, qu'on puisse en parler. Hein. Oh, oui, je vais vous tenir au courant. Lorsque je dis vous, c'est toi, Patrick. Ah, oui. Voilà. On essaye pour revenir te voir, forcément. Ouais. Et puis j'espère que toi, de ton côté, ce jour-là, tu seras libre. Ah bah, hein. Si la date c'est comme Patrice. Hein. Bah, oui. Ouais, moi, j'aime bien ton affiche, surtout le micro. Hein. T'es jolie avec. Hein. T'as vu, là oui. Surtout le micro, ça, hein, on sait de qui ça vient. Hein. Ah oui, ça change. Hein. Ben en tout cas, un grand merci, Daniel. C'est toujours un régal, je viens de le dire. Toujours un régal de vous retrouver. Et c'est vrai que, bon, il y a des kilomètres qui nous séparent, mais les kilomètres pour l'amitié, c'est rien du tout. Ben un grand merci à toi, Daniel. Merci, et puis, Daniel. Pour finir, un dernier extrait de l'album, on va écouter RSA. Hein, ouais, après tout. Alors, tu peux dire le tout, RSA, mon cul. Ben voilà, exactement. Voilà, parce que... Allez sur Arc-en-Ciel, Daniel Théo, RSA. Extrait du dernier album, Daniel Théo, L'Essentiel, avec le groupe Sept Îles. Merci. À bientôt. Si le RSA, c'est l'avenir, j'en peux pas et préfère partir. La connerie, c'est d'être sans boulot. Myriam, faut pas nous prendre trop des gogos. Toi qui n'as jamais lu ta feuille, toi qui penses que ton larve. Je voudrais que ce soit sur les fesses.